Ah, bonsoir. En réalité, c'est pas un bonsoir, c'est un test de son. Maintenant, bonsoir, comme ça, c'est un meilleur bonsoir. Alors, vous assistez à la dernière conférence publique que je vais donner, théoriquement, parce que la vie étant ce que la vie, elle est. Mais disons que ce sont mes intentions. Alors, ce soir, la première partie, donc la première conférence, c'est que nous réserve 1995 et on ne fera pas trop de prophéties. Je vais plutôt vous expliquer pourquoi on n'en fait pas et pourquoi ça ne sert à rien d'en faire. Je peux évidemment vous expliquer tout ce qui va arriver en 1995 et je ne me tromperai pas. Maintenant, la question est de savoir si vous allez avoir la décence d'aller vivre dans l'année 1995 que je vais prophétiser. Parce que c'est sûr que si vous allez vivre dans une autre année, 1995, bien là, évidemment, mes prophéties ne serviront pas à grand-chose. Depuis que je suis très jeune, j'observe ce que les humains ont amené historiquement, ce que les humains amènent aussi maintenant. J'observe mon comportement, le comportement de mes parents, mes frères, mes sœurs, de ma chatte. Et j'observe le comportement, finalement, de mes professeurs, de mes camarades de classe et, finalement, de mes collègues de travail, des gens à la télévision, des gens partout que je rencontre. Et c'est un fouillis magistral. Première constatation, c'est que sur la Terre, il semble que on soit dans un, pas un zoo, là, disons, j'ai déjà dit que la Terre est une espèce de grand asile psychiatrique. On a des individus, on a des régions sur la planète Terre où l'être humain est capable de vivre dans l'abondance. En même temps, on a des régions où l'être humain vit d'une façon tellement pauvre qu'il ne vit pas. On a des êtres humains qui ne pensent qu'à des choses spécifiques. Et on en a d'autres qui ont besoin pour vivre de détruire. On a des gens qui construisent, on a des gens qui démolissent, on a des gens qui croient, on a des gens qui décroient, on a des gens qui espèrent, on a des gens qui sont déçus, on a des gens qui sont fanatiques. On a des gens qui vont tuer au nom de Dieu, il y en a qui vont donner leur vie au nom de Dieu, puis il y en a qui vont simplement profiter de Dieu pour sacrer. On a des gens qui... On a des religions qui disent que la seule façon de rejoindre Dieu, c'est de mourir sur un champ de bataille en tuant des infidèles. Grosse partie, par exemple, des philosophies chrétiennes du passé. Les martyrs sont les êtres les plus aimés de la chrétienté. Et même les saints sont des martyrs. Et plus de la moitié des saints ont été martyrisés par l'Église elle-même. Une grande partie de la philosophie islamique dit encore que pour rejoindre Allah, il faut mourir en tuant des infidèles sur un champ de bataille. Les Vikings faisaient la même chose pour aller au banquet d'Odin. Et on a d'autres religions qui disent que la seule façon d'atteindre Dieu, c'est de vivre, d'amener la paix. On a un fouillis indescriptible où on a toutes sortes de mélanges au niveau des nations, au niveau des contextes nationaux, au niveau des contextes géographiques. L'être humain a toujours bâti la majorité de ses gros empires près des failles sismiques. C'est un besoin vital pour lui d'être sur des régions où on fait trembler la terre de temps en temps. Les maisons qui se vendent le plus cher en Californie sont celles qui sont construites sur la faille San Andreas. Ce n'est pas un hasard, c'est su. Et les gens vont l'acheter parce que les gens sont sûrs que ça ne leur arrivera pas. Et à un moment donné, ben, ils ne sont plus sûrs de rien parce qu'ils ne sont plus là pour le dire. Ils ne sont pas 6 pieds sous terre, plus creux un peu. Régulièrement, l'être humain a besoin, par sa nature, certaines personnes ont besoin d'affection, d'autres ont besoin de violence, d'autres ont besoin de jouer avec la mort, par la drogue, par certains sports, par l'alimentation, par la violence. C'est sans arrêt. Quand j'observe les individus, je me rends compte qu'à un moment donné, il y a des personnes qui vont voir des astrologues, qui vont voir des cartomanciens, qui vont voir des cristalloscopiens, des gens qui lisent dans les boules de cristal, qui vont voir des buveurs de thé. Et on leur dit toujours, par exemple l'astrologie, les astres inclinent, mais n'oublie pas. Alors, à quoi ça sert que vous me prévoyez l'avenir, alors que cet avenir-là, je peux le contourner? Mais est-ce que vous prévoyez l'avenir, ou si vous me dites à peu près n'importe quoi? Et ces ambiguïtés, ces contradictions-là restent. Un jour, je vivais au Saguenay. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Alors, j'ai commencé à ramasser les poubelles du quartier et j'allais vendre ça au marché aux puces. Maintenant, les gens n'achetaient pas trop mes poubelles. Ils allaient acheter les poubelles des autres. Alors, j'avais un jeu de tarot, de cartes, et j'ai commencé, j'ai mis ça, 5 $ tirage de cartes. Et puis là, les gens sont venus se tirer aux cartes. Assez que j'ai monté ça à 10 $ à un moment donné, puis il y avait une file de monde. Et plus je chargeais cher, plus il y avait du monde. Parce que mieux, c'était bien meilleur. T'sais, l'autre a 5 $, l'autre a 15 $, tu vas voir celui à 15 $, lui. Et la majorité me disait, « Moi, je ne crois pas à ça. » Mais qu'est-ce que tu fais là? Écoute, si tu ne crois pas à ça, donne-moi 15 $, tu vas t'en. C'est juste pour dépenser 15 $. Et il y en a qui me disaient simplement, « Moi, là, je vais vous donner 15 $, là, mais je ne veux pas vous me dire rien de mauvais. » C'est pas de problème. Vous êtes beau. Vous êtes fin. Vous avez gagné 1 000 000 dans l'année. Là, la personne rejetait quasiment 5 $. Est-ce qu'elle veut prévoir l'avenir ou si elle essaie d'influencer l'avenir? Et quand on regarde toutes ces facéties-là qui finalement charissent l'humain, mènent l'humain, manipulent l'humain, vous avez une chance sur 14 millions de gagner à la loterie 649. Et quand on dit à l'être humain, vous avez une chance sur 14 millions, il retient, j'ai une chance, le reste, il l'oublie. Et il achète. Vous avez 13 999 999 chances de perdre. Mais l'être humain, moins ça se révèle vrai, plus il croit. Ceux qui croient mordicus à n'importe quel Dieu sont ceux qui, souvent, sont martyrs. Oui, mais c'est parce que Dieu veut t'éprouver. Oh, Dieu, un Dieu de même, j'en veux pas. Si Dieu se présente devant moi, si Dieu me permet de guérir, si Dieu me permet de sauver des gens, je peux croire en Dieu. Si Dieu me permet de manquer mon coup, puis l'autre, il se noie. Si Dieu me permet d'avoir un enfant handicapé, si Dieu... Puis moi, il faut que j'aime Dieu. Bien, l'humain le fait. Il n'y a aucun problème là-dessus. Pourquoi pensez-vous que les dictateurs ont eu tant de pouvoir sur la Terre? Parce que plus ils matraquent l'humain, plus l'humain considère que ce sont des choses normales. Mais les gens qui font le bien, on cherche les scandales au maximum pour les déboîter. Que ce soit au Québec, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, partout. Les martyrs ont toujours été les meilleures personnes sur la planète. Il y a eu quelques exceptions, des accidents. Les meilleurs partent en premier. Dieu les aime. Mais ils ne partent pas facilement. Ils en souffrent en maudit souvent. Avec tout ça, je me pose des questions, j'observe, je regarde. J'ai commencé un jour à étudier les prophéties de Michel de Nostradamus, Nostradamus. D'ailleurs, j'ai même rencontré Nostradamus en personne, sa réincarnation. À l'époque, il tenait une librairie qui s'appelait Librairie de Nostradamus. Bon. Et j'ai étudié plusieurs prophètes. Daniel a été le premier prophète que j'ai étudié. Pas moi, le prophète Daniel, celui de la fosse au lion. Les prophéties de Malachie, m'a l'appris. Les prophéties de Jean 23, c'est des papes qui ont fait des prophéties. Les prophéties de Nostradamus, les prophéties d'un paquet d'autres. Et on se rend compte que de l'Apocalypse de la Bible, Apocalypse qui veut dire révélation des choses passées ou présentes, que l'humain considère que ça va arriver, à partir de l'Apocalypse de Luc, de Jean, passant par un paquet d'autres prophéties, et des horoscopes annuels, et des prévisions annuelles, je me rends compte que il y a un rôle, il y a plusieurs rôles que les prophètes tiennent. Si on étudie l'histoire de l'humanité, l'histoire de différents peuples, et sans être coloré par des visions, si j'étudie les Mayas, je deviens Maya. Si j'étudie les Romains, je deviens Romain. Je veux comprendre comment ils fonctionnent. Je dois arriver à croire aussi en leurs dieux, même si leurs dieux sont des statues, pour être capable de comprendre les mécaniques de ces personnes-là. Et finalement, on se rend compte qu'un rôle des prophètes, c'est de prophétiser des choses tellement horribles que l'humain va tout faire pour y échapper. Et là, on dit que ces prophètes de malheur-là ont eu tort. Peut-être que ce qu'ils prophétisaient, ce n'était pas pour avoir raison. C'est des mises en garde. D'autres prophètes ont prophétisé des choses, puis il y a des êtres humains qui ne veulent pas, de par la nature, essaient d'obtenir ces choses-là. Un jour, quand j'étais au Guatemala, j'étais dans la jungle, et puis à un moment donné, on m'a amené visiter un groupe de pétés. C'est des gens qui avaient un gourou ici qui a écrit la Bible de l'an 2000, c'était une personne du Québec. Bon, elle était ramassée au Guatemala, et elle avait promis à un groupe de gens que telle date, il y avait des soucoupes volantes qui viendraient les chercher. Alors, ils sont tous montés sur le toit d'une grande maison, et avec des bananes, et puis quelques fruits. Et là, ils ont attendu patiemment que la soucoupe vienne les chercher. Mais là, deux, trois semaines plus tard, c'est pas, il y avait en lui mécanique, ou on ne sait pas trop, mais la soucoupe n'était pas là. Normalement, on va dire, écoute, après trois semaines au régime de bananes, la soucoupe n'est pas là. Tu finis par te dire, le gars qui nous a monté là, il n'est peut-être pas. Non. Les gens y croyaient encore plus. Et quand ça n'a pas fonctionné, le groupe n'a pas été dissous. Le groupe y croyait plus. Et ça, c'est des groupes qui peuvent finalement finir par se suicider pour finir par dire, écoute, on va y aller par un autre moyen s'ils ne viennent pas nous chercher. Et c'est fréquent. L'idée là-dedans, c'est que que nous réserve 1995? La question que je me pose, c'est quel 95? Le mien? Le vôtre? Le 1995 collectif? Le 1995 des Européens, des Juifs, des hommes, des femmes, des enfants? Quel 1995? Je rencontre des individus que j'ai connus v'là 20 années, et on parle. Puis là, on parle des événements qui sont passés à travers le monde. On n'a pas vécu sur la même planète. Absolument pas. Il y en a qui sont certains qu'Elvis Presley est toujours vivant. Écoute, il est mort, il est embaumé, il est exposé, il était surexposé, il est enterré, ou il était brûlé, bon, je ne sais plus trop. Mais il n'est pas mort. Est-ce que les gens ont accès à des informations différentes? À une époque, c'est Bruce Lee qui n'était pas mort. Il s'était retiré. À un moment donné, bien, avec la guerre du Golfe, on a eu plusieurs versions des choses. Est-ce qu'on a eu plusieurs versions des choses parce que les gens ont des visions différentes, ou si on a plusieurs versions des choses parce qu'on n'a pas accès aux mêmes informations, parce qu'on n'a pas accès au même monde? Alors moi, je me suis amusé à travers l'affaire, et pour essayer d'expliquer la mécanique humaine, ce qui se passe chez l'humain, on doit élaborer des théories. Ce sont des théories, pas des croyances, des théories. Et les théories, on les établit, et une théorie essaie normalement d'expliquer un ensemble de mécaniques qui, normalement, sont séparées. Donc, ce sont des théories unificatrices. Comment puis-je expliquer Dieu avec des personnes qui naissent handicapées, expliquer Dieu avec des personnes qui, sans jamais rien faire, vont avoir du succès, expliquer cette loi qui dit sur la terre, certains ont du talent, d'autres ont du succès. Comment faire pour concilier les dieux qui demandent aux gens des sacrifices humains historiques? C'est pas parce qu'on n'en a plus aujourd'hui que mais c'est les mêmes dieux. On sacrifiait les humains, les meilleurs humains, pour empêcher la génétique de se reproduire. Par la suite, on sacrifiait parce que l'humain était écœuré de se sacrifier. On sacrifiait le meilleur bétail, ouais, pour empêcher la génétique de se reproduire. On sacrifiait le meilleur blé, les meilleures nourritures. Comment concilier? Alors, on a 1995. Un jour au Guatemala, moi et ma femme, on sent une odeur sulfureuse, et puis on regarde au loin, on est en campagne. Et là, on voit très, très loin des montagnes, un volcan en activité qui est très, très loin. Alors là, on regarde le volcan, puis il a fumé des volutes de fumée, puis ça sent. Tout ça intéressant. On ne pensait pas qu'il y avait un volcan en activité si près. C'était quand même très loin, peut-être 200-300 km, mais quand même si près. Et finalement, on rentre chez des Guatémaltèques, chez eux et chez qui on allait. Et puis, quand on est sorti de là une demi-heure après avec eux, bien là, c'était très clair, mais le volcan n'était plus là. Et on leur a demandé, est-ce qu'il y a un volcan pas loin? Non. Aucun volcan en activité pas loin. La question humaine, c'est, est-ce qu'on a eu une hallucination? Combien de gens ont des hallucinations dans leur vie? À peu près tout le monde va en avoir. L'idée, c'est qu'on va expliquer cela en disant « Vous êtes imbécile, vous êtes épais, vous êtes stupide. Vous avez une hallucination. Vous pensez avoir vu ceci. » À travers l'histoire, il y en a combien qui ont eu les mêmes hallucinations de soucoupe volante? Est-ce que l'imbécilité se réincarne? Est-ce que l'imbécilité se transmet de génération en génération avec les mêmes modèles d'hallucination? Il y a des explications. Certaines sont... Bien, toutes les explications peuvent être scientifiquement prouvées à un moment donné, mais il faut avoir les outils. 1995, moi, ce que je vis depuis quelques années, c'est que nous sommes dans ce que j'appelle un chronotope. Un chronotope, c'est un lieu temporel, une adresse dans le temps. 1995 est une adresse temporelle, un chronotope. Un chronotope est constitué d'une infinité d'homochrones. Un homochrone, homo veut dire semblable, hein? Ça n'a rien à voir avec le sexe. Et chrone, le temps. Un chronotope est constitué d'une infinité de temps semblables. Les temps semblables, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est pas uniquement un point de vue. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous avez rencontré avant, puis que vous reparlez d'un événement, bien, il ne semble pas que vous avez vécu la même chose. Des fois, c'est similaire. Des fois, c'est bien différent. Puis là, on s'obstine. Bien, voyons donc, c'était pas de même. Bien, crime, je te dis que c'était ça. On va voir un film, on sort de là. Hey, c'était-tu plate? Bien, c'était pas plate, c'était le fun. Là. La musique était bonne. Pas dedans du tout. On a des goûts différents. Mais même quand on vit la même chose et qu'on aime la même chose, deux ans après, ça se peut que quelqu'un se rappelle que le film, il ne l'a pas aimé, même s'il l'avait aimé là. Puis vous, vous vous rappelez que le film était bon puis que l'autre avait aimé ça. Lui, il se rappelle que le film était mauvais puis vous n'aviez pas aimé ça. Régulièrement, l'humain va s'obstiner. Moi, je suis pas mal convaincu qu'on a tous raison. Mais parce que nous avons une conscience collective, nous essayons de... d'homogénéiser notre vie, de collectiviser notre vie. Autrement dit, ma vie, elle a un sens si tout le monde la partage. Je suis centré, sécurisé, stabilisé, si vous êtes d'accord avec moi. Et ça, ça ne va pas juste sur « est-ce que ça, c'est bleu ou rouge? » Non. Si moi, je trouve que c'est vert, et que vous trouvez toutes que c'est rouge, je vais devoir trouver que c'est rouge. Mais ça va plus loin que ça. Même les religions... La première chose qu'un religieux doit faire, c'est convertir. C'est-à-dire aller chercher de la crédibilité, donc des confirmations de par les autres qu'il va confirmer. Si j'arrive à vous faire croire ou à vous amener à entrer dans ma religion, ça confirme que j'ai raison. Sauf que trois ans après, peut-être que je vais encore changer de religion. Mais pour moi, l'être humain, c'est pas un problème. Je vais m'aller convertir d'autres gens, embarquer dans ma nouvelle religion. Puis pour moi, j'aurais toujours raison. Un homochrone, c'est un temps différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne qui prend l'autoroute à la même heure, certains vont trouver que ça circule bien à la même heure. D'autres vont dire, bien, ça circulait mal et moi, ça avançait pas. Question de relativité, on peut dire. Relativité émotionnelle. Vous trouvez que 15 km à l'heure, c'est vite, puis l'autre 15 km à l'heure, c'est lent. Non, non, il y en a qui vont vous dire, non, moi, je roulais à 55, 60, 65. L'autre va dire, bien, voyons donc, ça n'avançait pas plus que 15. Alors, on s'obstine encore. Aviez-vous pris la même autoroute? Oui, on a pris la 15, l'autoroute des Laurentides. Aviez-vous pris la même autoroute? Dans le même homochrone? Étiez-vous dans le même temps? Ce que je sais, moi, et j'ai fait beaucoup d'expériences pour m'amuser à glisser homochroniquement, c'est-à-dire à partir d'un style de vie, être, par exemple, et ça, je l'ai fait avec une personne aussi à bord à un moment donné, où à la radio, on nous dit, sur l'autoroute, là, c'est l'embouteillage, c'est code rouge. Ben, nous, on roule. 100, 110. Fait que là, un code rouge, c'est intéressant. On va se dépêcher avant qu'on va arriver dans le code rouge. Puis, à un moment donné, on traverse le pont Médéric-Martin. Ben, à la radio, ils disent que c'est bouché là. On est dans l'embouteillage. Ils nous le disent. Mais on n'était pas assez collectif. Fait qu'ils nous l'ont répété que c'était bouché, que c'était rouge, jusqu'à Saint-Martin, puis etc. Pis, mais on est arrivé, nous autres, on a roulé à 100 tout le long, et on n'a pas vu d'embouteillage. On n'était pas sur la même autoroute que ceux qui annonçaient. Et là, imaginez que moi, je téléphone pour dire, ben non, ça va bien. Le gars à radio, il dit, bon, il y a un tata qui vient d'appeler. Eh oui, Et régulièrement, on est à terre, on est imbécile, on ne l'a pas. Parce qu'on essaie d'échanger nos informations de façon à créer un monde collectif. Première constatation probable, c'est que la réalité est un phénomène individuel. Et du moment qu'on a une réalité collective, c'est une illusion. C'est un compromis. Mais l'être humain ne vit que par ça, parce qu'il est toujours en train d'échanger entre lui de façon à se stabiliser. Votre veste, elle est belle. 25 personnes vont dire « Votre veste, elle est belle ». Une personne va dire « Maudit que c'est laid ». C'est la personne qui trouve que c'est laid qui gagne. Toujours l'être humain est assujetti aux mécaniques, finalement, manipulatrices de l'extérieur. Parce qu'il a trop besoin d'être confirmé. Un chronotope, c'est un lieu temporel qui est soumis à d'autres lois. Par exemple, dans ce chronotope-ci, il y a une loi très intéressante qu'on appelle l'harmonie naturelle. Par exemple, les loups bouffent les chevreuils. Les aigles arrachent la tête aux écureuils et les engouffrent. C'est l'harmonie naturelle. C'est beau. Ça se tue sans arrêt. Ça crève de faim l'hiver. Ça se blesse. Ça se brise des pattes. Ça pond 300-400 œufs parce qu'il y en a moitié qui vont servir de nourriture. Ça vient au monde. Ça traverse tout plein d'affaires. Ça commence à caoter sur le chemin. Puis là, il y a un désordre qui ramasse ça, fini là. C'est beau, la nature. Quand on regarde ça comme il faut, là, c'est beau en maudit. Il y a d'autres genres de chronotopes probables où le loup est herbivore. Là, on va dire, bien voyons, on pousse pas. Pourquoi? Les vaches sont pas herbivores? Ah oui, les vaches, oui. Mais pourquoi pas le loup? Parce qu'on est habitué à ce que le loup soit carnivore. Quand j'expliquais il y a plusieurs années que juste le fait de mettre au monde un enfant, l'enfant qui mange un paquet de choses extérieures à lui, qui boit de l'eau, puis tout ça est capable d'être métabolisé par son organisme, et il va le faire grandir. Les os poussent pas plus vite que la peau, pas plus vite que les nerfs, pas plus vite que les tendons. Le crâne grossit, le nez passe pas comme ça. Tout est extrêmement équilibré. Chaque petit atome va se placer où ce qu'il faut pour que tout grandisse normalement. Puis c'est chronologique. À la puberté, ça part, mais c'est tout équilibré, oui donc. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Ah oui, ça se peut, on le voit. Non, on le voit. Si ça se peut, tout se peut. On plante une graine en terre, ça fait un érable, ça fait un chêne, ça fait un saule, ça fait un peuplier. Comment ça se peut pas? La science décrit ce qui se passe, mais elle ne l'explique pas. Pour que l'être humain soit capable de vivre une année 95 prophétiquement intéressante, il doit se dissocier de différentes structures. Structures qu'il a acquises par son éducation, qu'il a acquises peut-être génétiquement, réincarnationnellement, on ne le sait pas, mais une structure qu'il a. Et un besoin collectif aussi, d'être comme tout le monde. Est-ce que tout le monde est mieux que vous? Moi, j'ai déjà expliqué, à un moment donné, souvent à des séminaristes, l'être humain, il est ici. Vous êtes là, vous autres, là. Puis là, bien, vous suivez l'autre qui est en avant de vous. Puis l'autre, là, c'est très grand, la chaîne, on est un peu plus de 5 milliards. L'autre, il suit l'autre. Qui suit l'autre, qui suit l'autre, qui suit l'autre, qui suit l'autre. Je vous résume ça, là. Fait que tout le monde suit le gars ou la fille qui est en avant parce que l'autre, il a l'air de savoir ce qu'il va, regarde le marché. Mais lui, il marche vite parce qu'il veut, il suit l'autre là, qui marche. Mais tout le monde se suit en cercle. Fait qu'on appelle ça tourner en rond. Hein? C'est la Terre tourne. Imaginez que même les révolutions sur la planète ont amené un dicton. Plus ça change, plus c'est pareil. Qu'est-ce que c'est une révolution? La Terre fait une révolution autour du Soleil. Une révolution, c'est tourner sur soi. Hein? On révolutionne. Il y a un chronotope que vous connaissez bien. Dans ce chronotope-là, il y a des lois. Ces lois-là, ce sont des lois que j'amène empiriquement, c'est-à-dire ce sont des constatations et en étudiant toute l'affaire, je me dis, écoute, j'arrive à la conclusion qu'il semble que ce soit comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est toute l'explication? Peut-être. Peut-être pas. Mais je m'en fous. Une chose est certaine, c'est qu'on peut constater que, un, l'être humain, sa nature, votre nature, vous y êtes confronté quotidiennement. Un, vous avez besoin absolument de souffrir et vous faites tout pour souffrir, vous recherchez la souffrance en permanence. Et là, jamais de la vie. Non, mais 98 % de ce que vous faites vous amène à la souffrance, puis souvent, vous le savez, mais vous y allez pareil. La personne qui prend un petit coup de temps en temps, elle sait que c'est pas bon pour elle, elle sait qu'elle peut se casser la gueule, mais elle fait pareil. La personne qui mange mal pour sa santé, bien, elle le sait, on le sait tout ça. Mais votre nature fait que c'est mauditement plus facile de manger de la cochonnerie que de manger des bonnes choses pour la santé. C'est pas parce que vous n'avez pas de volonté, c'est la nature de l'humain. Votre goût détecte et apprécie plus les choses sucrées que des choses au tofu, par exemple, ou des choses meilleures pour la santé. La bonne cuisine est bonne au goût, dégueulasse pour la santé. Donnez à un enfant le choix entre des cochonneries et des choses bonnes pour la santé, il va prendre des cochonneries. Pas parce que c'est un enfant, parce que ça gue son goût, son corps, ses besoins vont vers ce qui peut l'anéantir. Donnez, par exemple, en temps de guerre, les gens ne se suicident pas. En temps de paix, les gens recherchent le bungee, les gens recherchent la drogue, les gens recherchent... Il faut que les gens s'occupent, mais si possible, vers des choses qui font peur, qui stressent, le stress démolit le corps, et qui aussi, des fois, les font courtiser la mort. C'est un besoin. Quand on regarde la télévision, puis on se dit, voyons donc, mais pourquoi? Ils sont bien niaiseux. Ils sont pas niaiseux. Ce sont des êtres humains qui recherchent la souffrance et qui recherchent l'autodestruction, la mort. Mais la mort à long feu, c'est la mort à petit feu, la mort est tirée. Quand on dit l'URSS présentement, c'est dissous, c'est fini. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'aliments. Là, qu'est-ce qu'ils font? Bien, le peu d'argent qui reste, ils s'en vont le dépenser en Tchétchénie. Il y a à peu près 1 000 soldats russes qui sont morts, à peu près 6 000 Tchétchènes qui sont morts pour qu'on plante un drapeau sur une bâtisse. C'est une bâtisse, il faut s'entendre, là. C'est une ruine. Puis là, c'est une victoire. Ils n'ont pas d'argent. Ils devraient s'occuper à faire d'autres choses. Non. L'humain ne fera pas ça. À chaque fois qu'un peuple arrive à s'en sortir, c'est pas long que la détresse embarque dans le peuple et de l'apothéose de la civilisation. Après ça, il y a une décadence de la civilisation. C'est historique, c'est reconnu et c'est comme ça. La dernière mode américaine, ce sont des gens qui doivent être vulgaires, être mal habillés et être gros. Ça, c'est la nouvelle mode. Puis ça se développe, ça s'en vient. Vous avez vu certains jeunes maintenant, aujourd'hui, ici, qui sont habillés avec des pantalons, là, qu'on pourrait en mettre trois dedans? Si vous n'en avez pas vu, vous allez en voir. Il fallait que ça s'habillent en pauvre. Depuis des années, les jeunes s'habillent en pauvre. Trois, quatre chandails trop grands, comme s'ils avaient mis les chandails de leur grand frère, leur grande sœur. Réincarnaient les jeunes de là 50 ans. C'est un besoin. Les enfants de riches sont pas mieux. Ils sont heureux. Alors, ça va mal, on maudit. Ils vont faire de la course, ils vont faire du saut parachute, ils vont faire des choses, ils vont faire de l'escalade. On peut mourir là-dedans. Ils prennent des chances. Pourquoi à chaque printemps, y a-t-il des motoneigistes qui vont se noyer sur les lacs? On est des habitants du Nord. On ne le sait pas. Qu'en dessous des étendues de glace, il y a de l'eau. Puis que rendu à un certain moment de l'année, certaines températures, ça peut casser. Ah oui, on le sait. Rien à faire. Chaque année, ils vont se tuer. En ski, ils vont se tuer. L'été, il y en a d'autres qui vont se tuer. On le sait. Ça ne change rien. Ah, peut-être que vous, vous ne le feriez pas. Vous allez faire d'autres choses. Souffrance, autodestruction. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de la mienne non plus. C'est une loi. Ce sont des lois du chronotope. L'être humain essaie depuis près de 35 000 ans à développer des techniques pour contrôler. Se contrôler, on va dire, un, contrôler sa pensée. Donc, la foutue pensée ne lui appartient pas, puis c'est un véhicule qu'on utilise pour le manipuler. Il veut contrôler ça. Contrôler ses émotions. Donc, les foutues émotions, les maudits problèmes. Contrôler sa colère. Pourquoi la colère vient? C'est la nature. Alors que, il existe d'autres chronotopes où ces lois-là n'existent pas. Et là où il est légal... C'est légal d'être heureux. Ici, c'est illégal. Essayez de l'être, allez voir. C'est un combat sans arrêt, puis vous ne pourrez jamais arriver à une stabilité de bonheur. Comptez pas là-dessus. Vous gagnez à la loterie, vous allez attraper le cancer. Il se passe toujours quelque chose. Il existe des chronotopes où c'est légal. Le gros travail, c'est de glisser dans ces chronotopes où c'est légal. 1995 peut être le début d'une fourche où on part d'un chronotope qui probablement n'est même pas ajusté à votre intelligence. Vous ne l'aurez pas. Ah oui, mais si on travaille bien gros, oui, méritoire. Si vous souffrez beaucoup, si vous y allez, vous allez mourir pareil. C'est-tu dans 25 ans, dans 30 ans, quand vous allez être sur le bord de votre lit de mort, que vous voulez avoir abouti? On va rire de vous en maudit. Puis si vous laissez tout tomber, vous allez quand même être dans ces lois-là. Assez que celui qui dit à Dieu « Merci de me faire souffrir », mais Dieu le fait souffrir, le gars est content. L'autre qui dit « Mon tabarnouche, je t'ai dit, il se met à gueuler », Dieu est content, le gars souffre. Ça ne réglera pas rien. Parce que ce n'est pas bâti pour régler. Alors, l'être humain va chercher de l'espoir, l'être humain va chercher des choses qui fonctionnent. Mais c'est toujours à rechercher, à redynamiser, à nourrir, on n'en finit plus. Alors, que nous réserve 95? Écoutez, il va y avoir un référendum. On peut dire tellement de choses. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça ne passera pas? Est-ce que le Québec va se séparer? Est-ce que c'est le Canada qui va finir maintenant avoir le bol, va se séparer du Québec? Mais des choses possibles. Est-ce que c'est que qui que quoi? On ne le sait pas. Le gros de la farce là-dedans, c'est que quand les gens s'attendent à une apocalypse pour, par exemple, le 2 février 95, ils se réunissent tous, ils réunissent le Bebel, puis si ça n'arrive pas, ah bien, tabarnouf! Frustré d'avoir eu tort! Il semble qu'on devrait fêter. Il n'y a pas eu d'apocalypse. Alors, frustré en tabarnouche. Mourons! Mais trompons-nous pas! Mais ça, c'est fréquent dans tellement de domaines. Vous êtes en affaires, ça ne marche pas, c'est pas ça. Vous ne lâchez pas. Moins ça marche, plus vous y allez croire. Et je connais par contre d'autres personnes, quand ça commence à marcher, ils commencent à se déprimer. Ça, il y a bien des médecins qui pourraient vous en parler. Ils commencent à guérir, là, il n'y vient plus. C'est fini. Puis ça va mal, elle revient. Parce qu'il y a un seuil en bas duquel vous ne pouvez pas, par votre nature, aller. Mais devenir heureux, c'est illégal dans le chronotype actuel. Pas de la philosophie, je vous fais, c'est une constatation sociale, historique et humanitaire. Je peux expliquer facilement le comportement de n'importe quel humain. Il y a un accident, ça saigne, tout le monde va voir. Pourquoi? Bien, Christy, ils peuvent souffrir, ils veulent voir. Parce qu'après ça, ils ne dorment plus, ils ont rien que ça dans la tête. C'est bon, c'est plaisant. Ils vont louer des films d'horreur. Les films d'horreur sont les plus loués dans les clubs vidéo. Après, les films de sexe, puis après ça, les films de violence et d'aventure. Ce sont les films d'horreur. Donc, l'humain a besoin. Puis je connais du monde, ils regardent ça, puis après ça, ils ne dorment plus. Ils le savent. Puis je jure de ne plus recommencer. Ils recommencent pas, il y en a un autre, pas celui-là. Bon. Changer de chronotype. Présentement, j'aime autant vous dire que les recherches qu'on a faites démontrent que l'humain ne peut pas faire ça. Bon. On ne pourrait probablement pas changer de chronotype. Donc, pas pour l'instant. Donc, on va rester assujetti à des lois où le besoin de la souffrance va probablement continuer à nous dominer. Combien de personnes, à un moment donné, se sont mariées et ont trompé, des personnes même, leur conjoint ou leur conjointe? C'est comme si on pouvait tromper quelqu'un. Vous n'êtes même pas libre de faire ce que vous voulez de votre vie. C'est illégal. Mais si on trompe quelqu'un, on sait qu'on s'attire de maudits problèmes. Moi, je peux vous garantir que c'est la raison pourquoi on trompe. Parce que ça peut attirer des problèmes. Nous, on va rationaliser parce qu'on est intelligent et intelligente. On ne peut pas dire, vous m'avez trompé ma femme ou mon mari parce que s'il me pogne, je vais me ramasser et c'est tout ce que je peux faire. On ne peut pas se dire ça. Mais qu'est-ce qui motive un être intelligent à faire des actions à problème? Il y en a qui prennent encore de la boisson, prennent encore le roto. Ils savent tout! Ah, oh, mais là, c'est parce que... Non, c'est pas parce que c'est simple. Il y a une personne qui m'expliquait qu'à Noël, aux fêtes de bureau, bien, lui, il va pas parce qu'à chaque année, c'est la même affaire. Une grosse compagnie d'assurance. Là, il y a des gars qui commencent à pogner les filles des secrétaires, puis il y en a qui leur disent, « Ah, toi, ça fait des années que je te vois tout nu, puis il y a maudit, je te sauterai dessus, puis... » Ils sont tous chauds, là. Mais ça y va, puis ça y a des claques, puis bon. Le reste, ça prend 6 mois à s'en remettre. Il faut changer du monde au département d'étage parce qu'il peut plus se sentir. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on refait une fête annuelle. Moi, j'en ferai pas de fête annuelle. Ben, il faut en faire une. Parce que là, il y a beaucoup de problèmes de régler. Fait que le monde, ils sont plus dans leur état. Ils vont commencer à chercher des problèmes. Ils vont voler le patron, ils vont. Il faut que les gens fassent quelque chose. Fait qu'on leur fournit une fête. Il y a un humoriste un jour qui a écrit les pétards et les. Il y a des gros pétards à l'époque. Étant tellement dangereux, tellement de blessés et d'accidents qu'on les a éliminés, le gouvernement passe une loi les interdisant, alors les gens sont obligés d'utiliser leur automobile. Et ce que je voulais dire, c'est que là, maintenant, les gens prennent leur char et s'en vont se tuer avec, parce qu'il n'y a plus de pétard. Il y a plusieurs personnes qui se sont rendues compte à travers le temps que l'humain met ça en tabarnouche. Il y a beaucoup de personnes sur la Terre que si on leur dit, écoute, tu vas dire que ta mère est ceci, sinon tu as une claque, ben, ils vont manger la claque. Écoute, dis-le donc. C'est pas nécessaire de le croire. Mais non, la claque. Et on peut aller à la pêche. Moi, j'appelle ça aller à la pêche. Tout le long de 95, le reste de votre vie, remarquez que toutes les fois, vous allez aller à la pêche. La pêche au problème. Tout va bien, là? Donc là... Mais non, fais-le le voisin. Tout ce qu'il y a, tu veux niaiser le voisin, là? Tu vas aller à la pêche un peu. Tu prends ton automobile, ça va bien? À un moment donné, torieux. Donc, tu l'irais un petit peu. Peut-être qu'un policier caché quelque part. C'est pas. Fais un accélère. Bon, on s'en va. Là, on se stresse. Là, on se stresse. Là, on joue le jeu de la personne qui ne veut pas s'appogner. Ça nous use. Puis quand on s'appogne, on t'a beau maudit. On continue à chialer, ça nous use. Puis là, on joue de plus recommencer. Puis on joue quelques fois par année pour certains, parce qu'ils sont pincés quelques fois par année. Sans arrêt. Ce sont des exemples fouillés dans vos vies. C'est la même chose. Il y en a qui ne feront jamais ménage dans leur chambre. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'en permettent de chialer parce qu'ils ne trouvent jamais rien. Bon, ça va bien. D'autres vont faire ménage dans les affaires de leur mari, ou de leur femme, ou de leurs enfants, parce qu'il y a des chicanes. À la pêche. Pour changer de chronotype, on va dire pour l'instant que changer de chronotype, c'est compliqué, mais on peut choisir des homochrones. L'homochrone, c'est un temps semblable. Ça veut dire que tout est similaire, tout est identique, avec une nuance. C'est exactement comme c'est là, mais vous avez mal à l'estomac. C'est exactement comme c'est là, mais vous n'avez plus mal à l'estomac. C'est deux homochrones. Chez certaines personnes qui sont malades, on leur donne des médicaments, ça guérit. Chez d'autres personnes qui ont la même maladie, on leur donne des médicaments, ça ne fait rien. Le médicament, qu'est-ce qu'il fait? Bien, dépendamment de certaines structures chez la personne, amène la personne à glisser d'homochrone vers là où il est mieux. Les mêmes médicaments avec d'autres patients pour les mêmes maladies, ça les rend plus malades. Alors, on peut expliquer ça par un paquet de mécaniques scientifiques, mais c'est toujours à refaire. Alors que d'autres personnes vont aller voir un guérisseur qui est un charlatan, qui ne connaît rien, ils vont être guéris pareil. Là, le médecin, il dit, hey, fallait-tu être imbécile, franchement. Tu te fais aguerrer par ça. Que tu crois d'un médicament, ça va, mais que tu crois d'un charlatan, c'est pas fort. Mais tu guéris quand même. L'idée, et ça, on le voit en tout cas régulièrement. Glisser d'homochrone, qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer l'année 95 qui va être finalement intéressante? Plutôt que de demander à des prophètes ou à des gens ou à des horoscopes ou etc., c'est quoi l'année 95 qui m'attend? Bien, on pourrait aussi décider dans quelle année 95 je veux vivre. Évidemment, il y a des structures qui ont déjà été amenées, comme le positivisme, par exemple. Think positive, man! Sauf que c'est un peu anglais. Tu sais? Faut plus que tu sois un loser, faut que tu sois un winner! Parce qu'il y a des Anglais qui réussissent. Ça, c'est une stratégie intéressante pour amener l'être humain à glisser d'homochrone. La problématique, c'est qu'après avoir glissé un certain laps de temps, son ego l'oblige à revenir. Il y a le contre-coup du positivisme. Comme les religions le font. Comme tout ce qui vous amène à être bien, à être mieux à un moment donné, il semble qu'après les fleurs, il y a le pot. Pour glisser d'homochrone, on doit comprendre un concept intéressant. Que moi, j'appelle l'ego logique. Alors, l'ego, bien, plusieurs savent ce que c'est, d'autres ne le savent pas, mais leurs voisins savent qu'il y en a un. L'ego logique, c'est votre logique. Ça inclut la logique émotive, la logique psychologique, la logique mathématique. C'est votre logique. Par exemple, quand je demande à quelqu'un, est-ce que c'est possible qu'une personne âgée commence à rajeunir et finalement même rapetisse pour finalement rejoindre un enfant de 6 ans? Il me dit, ben non. Son ego logique ne peut pas comprendre ça, ne peut pas l'accepter, ne peut pas l'admettre. Est-ce que c'est possible qu'un enfant de 6 ans grandisse, vieillisse et rejoigne une personne de 82 ans? Ben oui. C'est aussi farfelu, mais ben oui. Son ego logique le prend. Alors, je vais dire à une personne, est-ce que c'est certain qu'en mourant sur un champ de bataille en tuant un infidèle, vous allez rejoindre Dieu? Ah, ben, il y en a plusieurs qui vont dire, c'est certain. D'autres vont dire, ben non. Si vous sauvez un infidèle de la mort, est-ce que Dieu vous aime plus? Des religions vont dire, ben oui. D'autres vont dire, ben non, je suis faite. L'ego logique, ce sont des structures qui vous servent, tout le monde, à observer votre vie, à analyser les informations que vous avez dans vos mémoires versus les informations de votre vie. C'est une structure, finalement, analytique qui détermine ce que vous allez accepter chez vous et ce que vous allez rejeter. Si on dessine un peu, un ego logique, c'est un peu comme un filtre. Par exemple, vous avez un filtre qui a une forme comme ceci. Et à un moment donné, il y a un événement qui s'en vient, puis l'événement, lui, est comme ceci. Alors, il ne rentre pas. Alors, votre travail va consister à colorer l'événement, déformer l'événement un petit peu, autrement dit, faire pivoter l'événement, pour qu'il rentre dans la clé. Et là, il va rentrer dans la clé. « Hey, j'ai vu une soucoupe volante! » C'était Vénus. Le temps que ça tourne, moi, c'était Vénus. Tu sais, ça rentre, ça va. Mais non, ça me suit en dessous d'un pont. T'es malade. Mon ego logique doit. Il y a des gens qui vont voir du neuf puis vont partir. La majorité des gens ont peur du neuf. Pourquoi? Parce que le neuf entre, d'une certaine façon, jusqu'à un certain point par l'ego logique, par le fait que vous le voyez là, de vos yeux, vous l'entendez, vous le touchez peut-être. Mais ça ne peut pas rentrer au niveau de vos structures mentales, vos structures de pensée, vos structures psycho-émotives. Vu que ça ne rentre pas, vous allez avoir une peur. Les gens se poussent en criant, ils ont peur, ça ne marche plus. C'est refusé. Et on a aussi d'autres éléments qui vont ressembler à ceci, par exemple. Et là, même si vous faites un grand travail de modélisation de l'information, ça ne rentrera jamais dans l'ego logique. Alors, c'est rejeté. Chaque être humain a un profil égologique qui lui permet d'être ouvert à certaines choses, d'être fermé à d'autres choses. Et on a aussi des profils égologiques plus collectifs, sociaux, religieux, sexuels, par exemple. Les femmes ont des égologiques différents de la majorité des hommes. Les femmes peuvent être ouvertes à certaines choses que l'homme va être fermé. Il y a des hommes qui font exception, c'est évident, et vice-versa. Maintenant, le gros du problème là-dedans, c'est que l'égologique, c'est-à-dire... votre vision du monde est déterminée par votre filtre, par votre ego logique. Et l'ego logique se construit par l'éducation. L'éducation, selon moi, peut être statique, à l'école, par exemple, ou dynamique, l'initiation, c'est dans la vie. Et là, vous ramassez des informations qui vont structurer des filtres. Oui, j'accepte ceci, je refuse cela, puis ça, parlez-moi en même pas, rien à faire. Il y a des gens que je connais qui ont vu des choses et les ont vues réellement. Ils le savent, il ne faut pas en parler. Parce qu'ils ne peuvent pas éliminer ça de leur mémoire, mais ils ne peuvent pas non plus accepter ça. Alors, tu sais, cessez de tourner le couteau dans la plaie. Oh, c'est fini là, on n'en parle plus. Et nécessairement, ça va créer chez l'être humain des concepts. Dernièrement, j'ai rencontré plusieurs médecins qui, eux, sont tous très ouverts aux médecines naturelles. Et qui savent très bien qu'il ne faut pas qu'ils le disent trop fort parce qu'ils vont avoir plein de problèmes. On parle de vrais médecins, disons. Bon. Leur ego logique accepte des choses. Et eux, ce qu'ils sont sidérés de voir, c'est que malgré des preuves évidentes et réfutables avec des modèles d'études scientifiques, on a certains médecins qui ne peuvent pas accepter ça. leur égo logique ne le permet pas. L'égo logique, ça se modifie. Et l'égo logique, ça crée autre chose. L'égo logique, c'est-à-dire votre structure de, disons, d'accueil de l'information, du neuf, et des possibilités. Est-ce que c'est possible de vieillir? Oui. Est-ce que c'est possible de rajeunir? Certains espèrent que oui. Mais égologiquement, vous êtes bâti pour accepter sans résistance le vieillissement, mais vous êtes bâti pour refuser le rajeunissement. Ce serait beaucoup trop plaisant. Et les lois du chronotope font que vous devez souffrir et vous autodétruire. Donc, votre égologique est bâti là-dessus. Et l'éducation est basée là-dessus aussi. Tu veux réussir dans la vie, il faut que tu travailles. Etc., etc., etc. L'égo logique fait ceci. On dessine, par exemple, un homochrone, et votre égo logique, c'est ce qui vous accroche à un type d'homochrone. Alors, si ici, vous gagnez à la loterie 649, puis que votre égo logique considère que vous n'êtes pas bâti pour faire de l'argent, bien, vous ne pourrez pas aller dans cet homochrone-là, donc vous ne gagnerez pas. 1995, vous pouvez améliorer votre 1995. Combien de personnes ont déjà constaté, par exemple, à un moment donné, qu'elles se mettaient à lire, disons, à croire un peu aux extraterrestres, à lire un petit peu là-dessus. Puis, à un moment donné, ils se rendent compte qu'au restaurant où ils ont été, bien, il y a du monde qui en parlait. Ils se rendent compte, finalement, que dans leur milieu de travail, bien, il y a plus de monde qui pensait croyait à ça. À un moment donné, on commence à sortir des films, ces extraterrestres, puis ils disent, c'est ça. T'sais, c'est drôle, hein? Quand je commence à m'intéresser, tu sais, puis on dirait que tout le monde, tu sais, c'est. Mais non, c'est ça. Toi, tu commences à t'intéresser, ton égo logique s'ouvre à ça, puis tu glisses automatiquement dans un homochrone où les gens aussi y croient. Fait que ton père qui y croyait pas, bien, tu découvres qu'il y croyait en secret. Ah oui, mais il croit toujours pas à ton père. Mais vu que tu as changé d'homochrone, il commence à y croire. Mais votre problème, mon problème, le problème de l'humain, c'est que pour accepter ça, ça doit être acceptable égologiquement. Ça veut dire qu'on devra inventer des contextes de raison pour être admissible. Ça veut dire, votre père n'y croit pas. Rien à faire, vous y rien à faire. Là, vous commencez à vous intéresser à ça, etc. À un moment donné, il trouve un livre dans votre chambre, puis disons que vous vous rendez compte qu'il y croyait finalement, le petit maudit. Là, il va vous expliquer. Non, moi, j'y croyais, tu sais, mais c'est parce que une affaire, il ne faut pas parler, puis je n'ai jamais voulu en parler parce que tu passes pour un imbécile quand. Ça, c'est votre égo logique à vous qui crée cet événement-là pour que vous puissiez accepter subitement que le bonhomme n'y croit pas, pouf, le bonhomme y croit. Pour vous, ce n'est pas acceptable, il faut une explication. Chacun va donc inventer l'explication nécessaire, c'est-à-dire passer par un homochrone où il y aura une explication qui va plaire à son égo logique. Par exemple, vous gagnez à la loterie, mais vous n'avez pas acheté de billet. Bien, égo logiquement, vous avez un maudit problème. Alors, vous allez glisser dans un homochrone où quelqu'un va l'avoir acheté pour vous, va vous l'avoir envoyé, il va se passer quelque chose. Régulièrement, vous changez d'homochrone. Vous glissez d'homochrone, on s'en va comme ça tout le temps, un petit peu n'importe comment. Le gros du problème au glissement homochronique, c'est que vous avez besoin d'explications parce que vous ne croyez pas au processus du miracle. Puis le miracle, c'est pas un phénomène divin. Le miracle, c'est un changement de situation sans explication. C'est toujours explicable, un miracle. On pourrait, par exemple, expliquer à un moment donné la multiplication des pains faite par le Nazaréen. On pourrait, même scientifiquement. Oui, on peut expliquer n'importe quoi. Théologiquement, émotivement, scientifiquement, de n'importe quelle façon. Le scientifique qui va expliquer la multiplication des pains va glisser dans un homochrone, il va avoir l'explication égologique acceptable. Le spirituel va glisser dans un autre homochrone, il va avoir l'explication spirituelle acceptable. Et les gens vont être corrects. Imaginez que vous prenez du pain dans mon panier, que je glisse dans un homochrone, mon panier est plein. Vous en prenez, je glisse, il est plein. Vous en prenez, je glisse, il est plein. Vous en prenez, aucun problème. Rendu à la fin, il va être aussi plein. Et vous allez tous avoir du pain. L'explication logique, égologique, va être « Je suis le Fils de Dieu ». Mais l'égologique ne pourra pas être vous avez tous des mains magiques. Parce qu'égologiquement, vous n'êtes pas bâti pour vous faire confiance, pour vous autoriser à... Écoutez, vous buvez, puis vous excrétez l'eau. Regardez-la donc. Vous mangez, puis vous excrétez les aliments. Oh, la transpiration. Oui, mais quand on transpire, on rejette des minéraux. Est-ce qu'ils sont toxiques? Non, non, ils sont corrects. Pourquoi de bord? Pour aller chercher des calories, etc., parce qu'on en brûle? Ben, brûlons-en pas. Mais mettons qu'on en brûle pareil, on est des animaux sans chaud, mais on n'a pas besoin d'aller chercher autant d'aliments parce qu'on rejette beaucoup de bonnes choses. Égologiquement, le scientifique, celui qui connaît bien la physiologie humaine, va trouver que, voyons, ça n'a pas d'allure, c'est normal qu'il y ait des processus de ceci et de cela. Pourquoi? Alors ça, on ne peut pas répondre. On peut décrire les processus. On ne peut pas répondre. Et les descriptions de processus sont des descriptions égologiques. Imaginez que, voilà, 30 000 ans, on avait des processus égologiques pas mal différents. On n'avait pas le même type de médecine. Ça faisait mal au ventre, on vous ouvrait le crâne, puis ça sortait. En réalité, on va dire aujourd'hui, il y avait un transfert de douleur. T'as plus mal au ventre parce que t'as plus mal là, tu sais, ça règle. Mais il y a des gens qui ont subi des trépanations avec des ciseaux de pierre. On a trouvé des crânes avec 5, 6, 7 trépanations. Si on essayait ça aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les gens survivraient. Alors, comment ça se fait que malgré, apparemment, l'ignorance phénoménale de nos ancêtres, leur stupidité au niveau médical, au niveau alimentaire, ce que vous voudrez, la race humaine a survécu? Il faut croire que c'était possible. Il y a des individus qui, retrouvés dans des situations absolument inimaginables, survivent. On a sorti dernièrement un Libanais de la soute d'un train d'atterrissage d'un Boeing. C'était caché là, monsieur, pour s'en venir. Un Roumain. Il avait gelé un peu, t'es froid un peu. Il peut faire jusqu'à moins 80 en haut. Puis les médecins ne peuvent pas s'expliquer comment il a survécu. Ah, ils en ont trouvé un autre à un moment donné aux États-Unis. Les gens cultivaient, là, ils étaient dans le jardin, puis d'un coup, il y a un corps qui tombait du ciel. Paf! Il pleut de l'homme. Quand tu regardes en haut, il faut que tu fasses une égologique pour accepter ça. C'est le Fils de Dieu qui est revenu, mais manquait son coup. Non, il était aussi dans la soute d'un train. Il est gelé, il s'est gelé là. Il a dû glisser. Puis quand l'avion au-dessus de la ville a ouvert son train d'atterrissage pour préparer son atterrissage, le bonhomme est tombé. Alors, comment ça se fait qu'à moins 60, moins 80, il y en a un qui a osé survivre? Mais c'est ça, les égologiques. Et il y a sans arrêt des processus de miracle. Pour pouvoir préparer une année 1995 à la hauteur de notre intelligence, bien, il va falloir que vous pistionniez comme il faut votre égo logique. Ça veut dire que plus l'être humain est ouvert au neuf, plus il lui arrive de neuf. Mais pour changer sa vie, il faut aller vers un autre genre de vie. Il faut être ouvert au neuf. On prévoit peut-être une guerre civile au Québec et au Canada suite à l'acceptation du référendum, etc., parce qu'il y a beaucoup de mouvements de groupements canadiens qui sont très, très, très, très militarisés, enfin, qui sont pour les mouvements durs en face du Québec, c'est-à-dire qu'on casse la gueule aux Québécois, on annexe le Québec, puis ça finit là, puis ça parle anglais partout. Est-ce que ça va donner ça? Bien, jusqu'à date, partout sur la planète, tous les pays qui se séparent, se séparent par le feu et le sang. Ça peut être comme ça que ça va arriver aussi en 97. Mais un individu qui glisse dans des homochrones un peu différents, bien, ça se peut qu'il n'y ait jamais de séparation. Ça se peut aussi qu'il y ait une séparation intéressante. Ça se peut plein de choses. Moi, je glisse régulièrement. Glissant régulièrement, je me rends compte que dans mes homochrones à moi, eh bien, il y a des pays qui ont toujours voulu se faire la guerre. C'était impossible qu'ils vivent la paix. Et puis, de plus en plus, ils parlent de paix. Mais probablement que je suis... Puis, évidemment, quand je glisse d'homochrone comme ça, eh bien, je vous rejoins, vous autres. Parce que ceux que j'ai côtoyés, voilà 6 mois, voilà 1 an, c'était pas vous autres. Mais c'est évident que mon égologique à moi est obligé d'établir une relation entre ceux que j'ai connus et ceux que je connais maintenant. Donc, vous rappelez tous m'avoir vu, ceux qui sont ceux qui m'ont vu. Mais celui que vous avez vu, c'était pas moi. En tout cas, c'est bien compliqué, c'est bien amusant. Vous êtes là, vous autres, tout le reste, ce sont des figurants. Puis vous leur faites jouer le rôle que vous voulez. Puis parce qu'on a des contacts télépathiques, on est capable de finir par se créer un monde qui semble être un monde cohérent. Bourré d'incohérences que l'ego logique rejette ou explique de différentes façons. Tout est possible. Tout. L'URSS, selon Nostradamus, va être l'allié des Américains contre l'islam à partir de 1999. Mais l'URSS n'existe plus. Avons-nous glissé? La Palestine, la bande de Gaza, etc., Israël, c'est bizarre que ça marche. Ah, c'est sûr, l'humain recherche la souffrance, la violence. Fait qu'il y a des Juifs qui tirent dans le monde là-bas, puis des Palestiniens qui tirent dans les Juifs aussi, de toute façon, c'est que la guerre reste, parce qu'on a besoin d'une guerre. Puis il y a des Juifs qui disent, on va les coloniser pareil, puis etc. C'est normal, c'est l'humain. Mais il y a un glissement intéressant. Là, Cuba puis les États-Unis sont en pourparlers comme jamais. Mais ça n'a pas de sens, des ennemis naturels. Le lion et l'agneau vont commencer à se courtiser. Oui. Mais notre égo logique va probablement engendrer une guerre en Afrique, d'abord. On appelle ça l'équilibre naturel. Pour préparer un 95 intéressant, il faut changer son égo logique. Ça veut dire au départ que vous devez faire un travail amusant. Et là, ça va faire en sorte que vous réserve 95. Le 95 va vous réserver des surprises. Ça, il faut être certain. 95 peut aussi, comme 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, mais plus vite c'est mieux c'est. 95 peut être une année très intéressante et intéressante de changement et d'accès à des choses qui, peut-être que des choses que vous recherchez depuis longtemps ou que vous avez, puis ça part, puis ça vient, puis ça part, ou que carrément vous pensez que c'est vraiment pas pour vous autres. Pour cela, il faut changer sa structure égologique. Je répète ce que c'est l'égologique. L'autre conférence qui va suivre, de toute façon, on va parler beaucoup plus de cette transformation, cette mutation des mécaniques qui peuvent nous aider à faire ça. Je répète ce que c'est l'égologique. L'égologique, ce sont les structures qui vous permettent de raisonner. L'égologique vous dit « non, ça ne se peut pas, oui, ça se peut, ça c'est stupide, ça c'est correct, c'est l'égologique qui détermine ça ». Dépendamment de où on vous a instruit, vous avez une égo logique différente. Quand j'ai été au Pérou, en Amazonie, les indigènes, lorsqu'ils vont à la chasse, ils chassent avec des sarbacanes parce que ça fait moins de bruit que les fusils, fait que quand ils descendent d'un singe, bien, les autres singes restent là. Avec un fusil, ils en descendent un, puis ils n'ont plus. Bon. Ils ont compris ça eux autres. Les indigènes, ils s'en vont dans la jungle, et là, ils font des offrandes aux divinités du singe, ils font des ceci, des cela, ils appellent des singes. C'est toutes des incantations. En tout cas, il ne faut pas être futé pour faire ce qu'ils font. Mais il y a un maudit problème, c'est que ça marche. En réalité, ça ne marche pas. Ils sont chanceux en maudit. Tu sais, c'est ça, ils sont chanceux en maudit. Le néophyte, il dit, ben non, c'est parce que c'est bourré de singes. Le chasseur, il dit, pas vu de singes aujourd'hui. Les indigènes, ils partent et en ramènent des singes. Le scientifique va dire peut-être que dans leurs incantations, ils utilisent des produits qui dégagent une odeur perceptible jusqu'à 3 km et puis qui amènent le singe. Ça se peut que oui, mais ça se peut que le produit attire le singe maintenant que le scientifique l'a décidé, mais que ça n'attirait pas le singe avant. Quand on a établi, puis ces indigènes-là ont en fait, ils chassent avec un produit intéressant qui est le curare. Pour préparer le curare, il faut être un chimiste assez chevronné. Ce n'est pas 3 ou 4 petites algues, 3 ou 4 petites lianes, 3 ou 4 petites fleurs, etc. C'est toute une amanchure. Comment ont-ils fait, eux, pour trouver, inventer le curare? Ils ont pris toutes les plantes de la jungle, 3 ou 4 millions, ils ont essayé toutes les recettes possibles, mais il n'y aurait pas au fini. Ça marche. Un jour, ils avaient besoin d'une arme efficace et ils l'ont trouvée. Ils l'ont trouvé, ben non, ils l'ont inventé, ils ont glissé jusqu'à temps que c'est ce qu'ils voulaient. Quand l'être humain est passé de l'âge du bronze à l'âge de bronze, ben le bronze a commencé à être trouvé près de la surface du sol. Avant, il n'en trouvait pas. sais, fréquemment, fréquemment, comme ça, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse. On réussit à régler une maladie majeure sur la planète. On a besoin de souffrir, on glisse, puis hop, ceci de arrive. On glisse, puis hop, on en trouve encore. La deuxième partie, on va voir un peu comment on change de mot-compte. Juste avant de vous quitter, il y a François ici qui a quelque chose à vous dire.